légère Véronica. Elle les yeux de la Polska. Ombre lumière d'une nouvelle fois. Et parfois des feintes espoirs. Le noir casse chaque soir les bars. Plus tard, vodka et l'espoir. Oh, disait-il dans leur mémoire. Je n'ai cru en rien, j'ai simplement pris sa main. Et nous avons dansé, et nous avons dansé. Mais moi je n'ai cru en rien, j'ai simplement pris sa main. Et nous avons dansé, et nous avons la la la la.